Gardons-nous une pensée pour ce soir. Une rue piétonne pour plus tard. Gardons-nous quelques pas à traîner. Quelques silences, une seconde à égrener. Gardons-nous le luxe de s'attarder. De perdre du temps à bavarder. Gardons-nous une idée du bonheur. Deux ou trois mots, une image, quelques saveurs. Gardons-nous de nous oublier. Nous et chacune de nos saignées. Gardons-nous de ne plus avoir nos cœurs à portée d'espoir. Gardons-nous un regard à partager. Le plaisir d'en être gêné. Gardons-nous un matin à découvrir que l'on n'est plus seul à l'avenir. Gardons-nous de nous oublier. Nous et chacune de nos saignées. Gardons-nous de ne plus avoir nos cœurs à portée d'espoir. Gardons-nous de nous oublier. Nous et chacune de nos saignées. Gardons-nous de ne plus avoir nos cœurs à portée d'espoir.